Elena Gorchounova et Hélène Blanik au piano, la comtesse de Folleville dans ce voyage à Reims est sauvée, enfin presque, elle s'est sauvée du suicide grâce à son chapeau, c'est bien ça, c'est facile. Elena Gorchounova qui partagera l'affiche avec Elisabeth Bellet dans ce rôle de la comtesse de Folleville, puisque je vous rappelle qu'il y a deux distributions pour ce voyage à Reims. Vu le nombre de productions proposées, évidemment, c'est préférable. Raymond Dufaux, rappelons que sans Jeanine Rice, vous ne faites pas grand-chose avec les jeunes talents. Oui, c'est vrai, elle est toujours associée à nos projets. Elle a fait partie d'ailleurs du jury des auditions au cours desquelles nous avons recruté ces chanteurs, car il faut savoir quand même que pour avoir trouvé ces deux distributions de jeunes chanteurs, nous avons écouté quand même quelques 450 artistes pendant le printemps 2007, qui sont venus d'ailleurs des quatre coins du monde, de la République argentine à la Chine, des États-Unis à la Corée du Sud, de la Russie au Canada. Et d'ailleurs, les deux distributions que nous proposons sont des distributions très internationales de par leur provenance géographique. C'est ça aussi qui fait l'intérêt du projet. Cela signifie qu'il est extrêmement difficile de chanter Rossini, Luciano à Coachella. 450 chanteurs, en retenir 28. Je ne sais pas, c'est pas difficile. La difficulté, c'est de mettre ensemble les mondes dont le style italien. Mm-hmm. Parce que Rossini s'est chanté dans tout le monde. Mais c'est un mode de chanter en Russie, au Japon, en France, l'Hongrie. La difficulté, c'était avec Nicolas aussi, de trouver une homogénéité. La représentation, l'exécution, l'intention. Alors, vous songez évidemment, Raymond Dufaux, à la prochaine aventure. Hein. Celle-ci est terminée, vive la prochaine. Enfin, elle est terminée. Elle n'est pas tout à fait terminée dans sa conception. Elle démarre maintenant, dans sa réalisation. Oui, c'est vrai que le projet, je pense, on est arrivé à un très bon résultat. Donc, ça serait dommage de ne pas envisager un autre. Je ne suis pas seul. Il y a un conseil d'administration au Centre français de promotion lyrique. Il y a l'ensemble de mes collègues directeurs de maisons d'opéra. Je crois qu'il faudra donc que nous trouvions les uns et les autres un consensus et puis une nouvelle volonté pour partir sur un nouveau projet. Ce sera une autre étape. Vous êtes partant, Jacques-Henri Soumer ? Toujours pour les bonnes choses. Toujours pour les bonnes choses. Et Dieu sait si c'en est une. Votre prochain spectacle après ce voyage à Reims, donc rappelons, ce soir et dimanche à 16h. Oui. Et puis ensuite ? Et ensuite, on passe à la vie parisienne. Avec des jeunes chanteurs également ? Avec des jeunes chanteurs et mise en scène par Nicole Dufaux. Et je vous promets un vrai moment de bonheur. Ça, j'imagine. Fête de fin d'année ? Fête de fin d'année, début d'année. C'est noté. Roland David pour l'Orchestre National d'Île-de-France, le prochain concert ? La prochaine série de concerts n'est pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, nous enregistrons un disque avec Yoël Lévy, notre directeur musical. Ensuite, nous avons une série de concerts, avec notamment un concert Salle Pleyel, qui est, je crois, le 23 novembre, avec un jeune soliste, un jeune violoniste, s'appelle Yossip Ivanov, dont on commence à beaucoup parler, qui jouera le premier concerto de Shostakovich. Ensuite, nous donnerons la symphonie pathétique de Tchaïkovski. Ce programme sera également tourné en Île-de-France. Et bon, je ne connais pas toutes les dates par cœur, mais on peut les retrouver sur le site de l'orchestre, orchestre-il.com. C'est très simple. Merci infiniment. Raymond Dufaux, le Centre français de promotion lyrique aide donc à la découverte des jeunes chanteurs. Qu'est-ce que vous proposez d'autre qu'un concours pour ces jeunes chanteurs ? Eh bien, nous les aidons. On les écoute tout au long de l'année. Ensuite, on les conseille pour les aider à rentrer dans des conservatoires ou dans des centres de formation ou à les insérer déjà dans la vie professionnelle. On leur propose aussi de préparer les rôles qui peuvent leur être donnés dans les mains de chefs de chant. Vous parliez de Jeanine Reiss, c'est souvent elle qui les fait travailler. Donc c'est l'ensemble de ces vocations qui est la raison d'être de ce centre. Alors bravo à ce projet, bravo à ce voyage à Reims, à tous les chanteurs. Nicolas Berloffa pour la mise en scène, merci. Votre prochaine mise en scène, ce sera quand ? Pour le moment, le voyage à Reims. Voilà, on se concentre et on se consacre au voyage à Reims. Luciano Coachella, merci infiniment. On va évidemment suivre toute cette tournée, puisqu'il y a un partenariat France Musique via la Cour des Grands pour ce spectacle. Jacques-Henri Soumer, merci. On ne va plus quitter votre théâtre. On y est merveilleusement bien accueillis. Et Roland David, on vous retrouve ce soir donc dans la fosse de l'Opéra de Massy avec l'Orchestre National d'Île-de-France pour accompagner ce voyage à Reims. En tout cas, l'orchestre, parce que moi, je ne serai pas dans la fosse, mais l'orchestre, il sera. Mais vous serez près d'eux. Vous êtes un soutien indispensable auprès d'eux. Alors nous allons terminer, non pas avec le voyage à Reims, mais avec Rossini toujours, évidemment, avec le fameux air de la calomnie du Barbier de Séville. Hélène Blanik, notre vaillante Hélène Blanik, est toujours au piano et Patrick Boller est donc ce calomniateur, allez, on va dire. leggermente dolcemente. Incomincia, incomincia sussurrar. Piano, piano, terra, terra, sottovoce, sibilando, mascherando, mascherando, avanzando, avanzando, nell'orecchia della gente. Introduce, introduce destramente le teste di cervelli e le teste di cervelli. Fa stordire, fa stordire, fa stordire, fa gonfiar. Alla bocca fuoriuscendo, lo schiamazzo va crescendo. Prendi forza poco a poco. Ora già di loco in loco, sembra tuo la tempesta che nel sem della foresta può fischiare brontolando e ti farà rarferar. Alla fin trova e che scoppia, si propaga, si raddoppia e produce un'esplosione. Come un colpo di cannone, come un colpo di cannone. Un tremuoto temporale, un tremuoto temporale, un tumulto generale che fa l'aria rimbombare. Un tremuoto temporale, un tremuoto temporale, un tumulto generale che fa l'aria rimbombare. E il meschino calunniato, affilito, calpestato. Sotto il pubblico flagello per gran sorte va crepar. E il meschino calunniato, avvilito, calpestato. Sotto il pubblico flagello per gran sorte va crepar. E il meschino calunniato, affilito, calpestato. Sotto il pubblico flagello per gran sorte va crepar. E il meschino calunniato, avvilito, calpestato. Sotto il pubblico flagello per gran sorte va crepar. Sotto il pubblico flagello per gran sorte va crepar. Sotto il pubblico flagello per gran sorte va crepar. Si va crepar. Si va crepar. Patrick Boller dans l'ère de la calomnie, le Bartolo du Barbier de Séville de Rossini, Hélène Blanik au piano. Et je vous rappelle donc ce soir, si vous êtes libre, venez précipitez-vous à l'Opéra de Massy pour ce voyage à Reims avec l'Orchestre National d'Île-de-France. Seconde représentation dimanche à 16h. Bravo à toute cette opération. Merci à tous, merci pour votre fidélité. Vous pourrez retrouver toutes les dates de cette tournée sur le site de l'émission dans la Cour des Grands via France. FranceMusique.com. La semaine prochaine, nous reparlerons concours, avec cette fois l'édition 2008 du Concours international de Genève, qui mettait les nerfs des jeunes pianistes et jeunes violoncellistes du monde entier à rude épreuve. Nous y étions. Nous diffuserons donc la finale violoncelle samedi prochain, et également un jeune violoniste du nom de Lorenzo Gatto, du grand talent. Voilà, la découverte des jeunes talents, c'est l'affaire de la Cour des Grands. Merci de leur être fidèles. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné cet après-midi, Pierre Bornard, Benoît Gaspard, Hervé Dubreuil, Dominique Allard. Merci à Maud Nourry qui m'a aidé à préparer cette émission et à Pierre Potier pour la réalisation. Et merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Restez avec nous sur France Musique, il y fait beau et chaud.